l'histoire de ta dernière, comme de ta première vie. Criard depuis le premier jour, depuis la première nuit. Ton père t'observe depuis tes premières phases. Toi t'es insolent depuis tes premières phrases. Pas trop écolé depuis les premiers lus. Ouais mais t'es devenu un loup depuis la première lune. Tu fais confiance depuis tes premiers frères. Tu comprendras quand t'auras pris du ferme. Tout a bien changé depuis ta première arme. Tu viens sur ta petite rush depuis sa première larme. Apprends à cacher ta douleur depuis tes premiers high. Matérialise depuis tes premières Nike. Frère tu te lèves et penses qu'à faire des sous. Qui t'a pas profité de la vie jusqu'à ton dernier souffle. Rien à foutre d'être le premier second. Et tu resteras con jusqu'à la dernière seconde. Frère, t'as pas vu le temps passer, passer. Et pourtant le temps passe, et pourtant le temps passe. Un soir les problèmes viennent s'entasser, tasser. Alors fais de la place, alors fais de la place. Quand la mort viendra t'enlacer, placer. Tu te rappelleras de ces phrases, tu te rappelleras de ces phrases. Y'a pas de futur sans passé, passé. Faut que le présent fasse la passe, faut que le présent fasse t'as la pas changé depuis ta première perquise. T'en bats les couilles, tu vois même pas que ta daronne a l'air triste. Pourtant elle suit depuis tes premiers pas. Depuis tes premières chutes jusqu'à tes premières passes. Tu t'es fait baiser par diable depuis son premier speech. Tu vois la vie en noir depuis ton premier spliff. T'es devenu parano depuis ton premier clock. Possessif depuis ton premier bloc. T'aimes trop l'argent depuis ta première liasse. Ouais mais t'aimes trop les meufs depuis ta première tasse. T'es toujours là à attendre les premières échelles. À ceux qui sourient dans ton dos de tes derniers échecs. Tu croyais en tout le monde jusqu'à la première crasse. T'as bien changé depuis ton premier cross. Tu sais que tout le monde va pour la première place. Dans la rue jusqu'à ce qu'ils aient leur premier gosse. Frère, t'as pas vu le temps passer, passer. Et pourtant le temps passe, et pourtant le temps passe. Un soir les problèmes viennent s'entasser, tasser. Alors fais de la place, alors fais de la place. Quand la mort viendra t'enlacer, placer. Tu te rappelleras de ces phrases, tu te rappelleras de ces phrases. Y'a pas de futur sans passé, passé. Faut que le présent fasse la passe, faut que le présent fasse. T'as la bien passe. Grandi depuis ta première course. A grandi ton rinté depuis ta première tour. Chez toi première carotte égale première quête clat. Pense bénéfice puis ta première quête plat. Les bénéfices du pilon on appelle ça l'or noir. Ta mère repensera à ton dernier au revoir. Tu croises un mec qui ressent tes premiers doutes. Faut avouer que t'as plutôt chaud depuis ta dernière douille. Tu vois même pas ce que les indices révèlent. Et tu doutes de rien depuis ton dernier réveil. 20h arrivée de la première bac. Ce soir t'es mort dès la première balle. Frère, t'as pas vu le temps passer, passer. Et pourtant le temps passe, et pourtant le temps passe. Un soir les problèmes viennent s'entasser, tasser. Alors fais de la place, alors fais de la place. Quand la mort viendra t'enlacer, placer. Tu te rappelleras de ces phrases, tu te rappelleras de ces phrases. Y'a pas de futur sans passé, passé. Faut que le présent fasse la passe, faut que le présent fasse la passe. Pour faire la morale, j'suis mal placé. Il faut savoir faire l'impasse. J'ai ce que c'est de se faire dépasser. Quand tu vises la première place, quitte à faire les choses, fais les choses bien. Mieux vaut partir maintenant avec quelque chose que plus tard avec rien. Dédicace à tous nos amis, à tous nos ennemis. Un pour tous et tous dans la zermie. On n'écoute pas les balances, ni les on-dit. Y'a que les fils de pute qui souhaitent la mort. Alors, je vous souhaite longue vie, motherfucker. Yeah, city boy, motherfucker. Yeah.